FrenchPod.com. Vous avez quel âge, mademoiselle ? J'ai 19 ans. Je peux voir votre carte d'identité ? Allez, laissez-moi entrer. Non,